بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on a vu précédemment un chapitre concernant l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait que l'amour fait partie des œuvres du cœur et que le croyant doit aimer Allah tabaraka wa ta'ala plus que tout autre. Et donc le chapitre d'après, l'auteur qui nous dit Babu qawlillahi ta'ala, donc le chapitre concernant la parole d'Allah le Très-Haut, innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Certes, ceci vient du diable, ceci est le diable qui fait peur, qui vous fait peur par ses alliés. Alors n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Et donc là, l'auteur, rahimahullah, il nous montre ici que la peur, elle fait partie des œuvres du cœur. Et le fait d'avoir peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, fait partie des actes dans lesquels on doit unifier Allah, tabaraka wa ta'ala, en lui accordant un culte, l'adorer en lui accordant un culte exclusif. Donc dans ce verset, le fait que donc les croyants, ils rentraient d'une bataille, ils étaient affaiblis et donc il leur fut dit que Quraysh allait se réunir pour les attaquer. Ils allaient se faire attaquer de nouveau alors qu'ils viennent de sortir d'une bataille, ils sont blessés, il y a parmi eux des blessés, etc. Et on leur annonce ça. Et donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit aux croyants, innama dhalikum ash-shaytan, certes ceci est le diable, certes ceci n'est que le diable. Yukhawifu awliya'a, il vous fait peur par ses alliés. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Alors n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. On comprend clairement de ce verset que ceci, justement, est une condition. Nous devons avoir peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, si nous sommes croyants. Et donc, le vrai croyant est celui qui a peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et il ne fait pas prévaloir la peur des créatures d'Allah à la peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, on a forcément l'exemple de celui qui va avoir peur des créatures et qui va tomber dans la désobéissance à Allah, tabaraka wa ta'ala, par peur des créatures. Est-ce que ça fait sortir de l'islam ou pas? C'est ce qu'on va voir, inshallah ta'ala. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, dans son explication, il nous dit qu'il y a plusieurs formes de peur. Il y a en réalité quatre formes de peur. Il nous dit premièrement la peur cachée. La peur cachée, c'est le fait que le serviteur, il ait peur des divinités et des idoles, des autres idoles. Il a peur d'être touché, par exemple, par les idoles des polythéistes, etc. Peur d'être touché par le mal de la statue de un tel, etc., etc. Il dit, donc la personne va avoir cette peur, et elle va donc agir en fonction de cette peur, et va donc se soumettre, elle va donc se soumettre à cette fausse divinité, et obéir, etc. Et donc ça, c'est du polythéisme majeur. Ça fait sortir de l'islam. Cela, donc, c'est du polythéisme majeur. Et ceci est contraire au tawhid. Ça fait totalement sortir de l'islam. Ensuite, la deuxième peur qu'il a citée, l'auteur, le cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, il nous dit le fait que le serviteur, il délaisse une obligation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme le fait de délaisser, il nous dit, comme le fait de délaisser le fait d'appeler au bien et d'interdire le mal parce qu'on a peur des gens. On a peur des gens et donc on va arrêter d'ordonner le bien et d'interdire le mal. On a peur que les gens ils nous fassent du mal. Il nous dit... Celui qui fait cela avec certitude, sans certitude, c'est-à-dire que on fait la différence entre celui qui sait que s'il fait ce qu'il fait, s'il ordonne le bien ou il interdit le mal, on va le tuer. on va le mettre en prison, on va le fouetter, etc., etc., etc. Alors, il délaisse à cause de cela. Ça, c'est un cas. Parce qu'il est sûr que là, il va finir en prison, fouetté, tué, etc. Ça, c'est un cas. Mais maintenant, celui qui va donc avoir peur des gens sans réelle crainte, sans qu'il y ait une cause qui entraîne cette crainte. Celui qui va avoir peur de son patron, celui qui va avoir peur de sa famille, etc., etc. Quelle est la crainte? Ah ouais, j'ai peur qu'il se fâche, ou qu'il le prenne mal, ou j'ai peur que mon patron me vire, ou des causes comme cela. Des causes qui en réalité ne sont pas acceptées, des craintes qui ne sont pas acceptées dans la législation. Et donc, le cheikh, il nous dit, en réalité, cela contredit l'aspect parfait du tawhid et contredit l'aspect parfait de la foi. Car il fait partie de l'aspect parfait de la foi que la personne dise ouvertement la vérité, que le croyant il dise ouvertement la vérité et qu'il ne craint concernant la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne craint le blâme de quiconque. C'est ça la foi complète. Et il nous dit, le cheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah, que certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté, donc les compagnons lui ont prêté allégeance sur cela. Certains compagnons lui ont prêté allégeance sur cela, comme c'est cité dans le hadith de Ubada, qui dit, parmi les causes pour lesquelles ils ont prêté allégeance au prophète, وَعَلَا أَنَّكُوا لَبِلْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا وَلَا نَخْشَى فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Et que nous disions la vérité où que nous soyons, et qu'on ait peur d'Allah, on ait peur de personne, on ait peur du blâme de personne concernant Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ça fait partie de l'aspect complet de la foi, le fait de dire la vérité aux gens et de ne pas avoir peur, le fait de n'avoir peur que d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a aussi le hadith qui a été cité dans le Mousnad de l'imam Ahmed, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la yamna anna ahadakum ma khafatu an-nasi an la yatakallama bihaqqin idha alima. Que aucun d'entre vous que la peur des gens n'empêche à aucun d'entre vous de dire la vérité s'il la connaît. Que la peur des gens n'empêche à aucun d'entre vous de dire la vérité si il la connaît. Et donc il est interdit, barakallahu fikoum, lorsque tu connais la vérité, lorsque tu as une obligation, que tu délaisses cette obligation parce que tu as peur des gens. Pourquoi? Parce que celui dont tu dois avoir peur de lui, c'est d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça fait partie du tawhid. La troisième peur, c'est le fait d'avoir peur du châtiment d'Allah, peur de la menace d'Allah. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est louable. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre: wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. En ce qui concerne celui qui a peur de se tenir devant son Seigneur et qui a donc privé son âme de suivre sa passion, alors certes le paradis est le refuge. Donc pour ces gens-là, le paradis, pour ces gens-là, c'est leur refuge. Et donc ça, c'est quelqu'un qui a eu peur du châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et cette peur, elle est louable. On a aussi donc la peur normale. Certains vont traduire en disant la peur naturelle. C'est le fait que la personne a peur de mourir, la personne a peur d'un lion, peur d'une bête féroce qui peut donc te tuer, etc. Peur d'un accident. Ça, c'est une peur qui est normale. Elle n'est pas blâmable. Si on te dit qu'il y a une route qui est dangereuse et que toi, tu préfères prendre une route qui n'est pas dangereuse, il n'y a pas de mal en cela. Ça, c'est une peur qui est normale. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre: « Wala tulku bi aydikum ila tahluka. » Ne vous jetez pas dans votre perte par vos propres mains. Et donc, il est interdit donc de se mettre dans une situation qui peut nous mener à notre perte. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: wala taktulu anfusakum, ne vous tuez pas. Ne vous tuez pas. Et donc il est important de comprendre les différentes formes de peur et de comprendre aussi le danger qu'il y a dans ce sujet, le fait d'avoir peur des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que cette peur va entraîner que le serviteur délaisse une obligation. À ce moment, le serviteur, il est pécheur. À ce moment, le serviteur, il est pécheur. Quand est-ce que ça fait sortir de l'islam et que ça contredit totalement le tawhid? C'est lorsque il y a donc une peur cachée, et que cette peur cachée va entraîner une forme de soumission pour cet être, ou pour cette idole, ou cette chose qui va être adorée. Là, ça fait totalement sortir de l'islam. On a parfois certaines personnes qui vont jurer par autre que Allah. Et ils vont avoir en eux cette peur cachée. Ils vont en plus avoir peur de mentir lorsqu'ils jurent par autre que Allah, que lorsqu'ils vont jurer par Allah. Ils vont avoir en eux cette peur cachée, cette forme de soumission pour cette fausse divinité. Et donc, le fait d'avoir vraiment peur et donc de se... Ah non, là, je dois dire la vérité parce que là, je ne peux pas jurer par telle divinité et mentir. Ça, c'est quelque chose qui est très grave. C'est très, très grave. Et donc, il faut faire très attention à cela. L'auteur qui nous dit ensuite, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « Innama ya'muru masajid Allah, man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama as-salata wa ata az-zaka wa lam yakhsha illa Allah, fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. » Certes, ceux qui vont peupler les mosquées d'Allah, ce sont ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qui accomplissent la prière, qui s'acquittent de l'aumône et qui ne craignent que Allah. Alors, ceux-là, ils feront partie des bien guidés. Ceux-là feront partie des bien guidés. Et donc, on comprend clairement de ce verset, donc premièrement, les caractéristiques de ceux qui peuplent réellement les mosquées d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce sont ceux qui croient en Allah tabaraka wa ta'ala. Ils croient au jour dernier. Donc le fait que ces gens-là vont croire au jour dernier, ils vont croire au fait que nous serons jugés et ils vont délaisser les choses interdites parce qu'ils croient au jour dernier. Il y a parmi les caractéristiques de ces gens-là le fait qu'ils accomplissent la prière, le fait qu'ils s'acquittent de l'aumône et enfin Allah tabaraka wa ta'ala qui nous cite « Wa lam yakhsha illallah » et ceux qui ne craignent que Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc cette caractéristique, c'est la caractéristique de ceux qui sont les bien guidés. Ça nous montre l'obligation quant au fait de craindre que Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite l'auteur qui nous dit rahimahullah, il nous dit ainsi que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa min an-nas من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله سبحان الله. Il y a parmi les gens ceux qui disent nous croyons en Allah, mais lorsqu'on les éprouve, lorsque donc ils sont éprouvés par la cause d'Allah ou pour la cause d'Allah, alors ils font en sorte que la fitna des hommes soit pour eux comme le châtiment d'Allah. Et donc, ce sont des gens qui, en réalité, lorsque tout va bien, il y a de l'argent, la santé, la subsistance, on est en sécurité, et donc ils vont dire « on croit en Allah ». Mais lorsqu'ils vont être éprouvés, que ce soit dans l'argent, dans les biens, dans la famille, dans la santé, la sécurité, le fait qu'on reçoive des menaces ou des choses comme ça, eh bien, ces personnes-là vont changer de position. Et donc, en réalité, ces gens-là, il y a un problème au niveau de la peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il nous dit, tabaraka wa ta'ala, ces gens-là, ils font comme si le châtiment des gens est pareil que le châtiment d'Allah. Non, les deux ne sont pas pareils. Et donc, il vaut mieux patienter, il vaut mieux pour toi que tu patientes face aux critiques des gens, le fait que les gens vont te critiquer. Ah, c'est un extrémiste, ah, c'est un iste ou iste, iste encore, islamiste. Il dit ça, il fait ça, etc. Il vaut mieux patienter sur ce que les gens vont dire et rester sur la vérité plutôt que de dire ce qui n'est pas correct pour faire plaisir aux gens et Donc, être protégé de leurs critiques et de leurs ruses, etc., etc. Non, le croyant doit rester fort et ferme. Il n'a peur que de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Le Cheikh Oubaid, il nous dit ici, il nous dit, « Wal mu'minu l'haqqu huwa thabitun ala imanihi. » Le croyant, le réel croyant, il est ferme sur sa foi. Il ne tremble pas. C'est celui qui a la foi correcte, la foi complète. Il ne tremble pas. Et donc, il est important que les épreuves que nous avons de tous les jours, les épreuves qui nous touchent, ne nous fassent pas dévier des obligations que nous avons. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Ajaban li amri al-mu'min, comme est surprenante la situation du croyant. Inna amrahu kullahu khayr, certes, toute sa situation est un bien. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil-mu'min, et cela n'est pour personne, ce n'est que pour le croyant. In asabathu sarra shakar. Si c'est un bien qui le touche, alors le croyant, il le remercie. Il remercie son Seigneur, alors c'est un bien pour lui. Mais si c'est un mal qui le touche, alors il endure, il patiente. Et c'est un bien pour lui. Et c'est ça qu'il nous a demandé, c'est d'endurer, de patienter face aux injustices des hommes. Ce n'est pas lorsque tu es touché par une épreuve, par les injustices des hommes, que tu vas changer et dévier. Parce que tu as peur des hommes et de leurs injustices. Alors qu'en réalité, tu devrais avoir peur d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Il y a parmi les gens ceux qui adorent Allah de manière tremblante, instable. Lorsque c'est un bien qui le touche, ils sont apaisés par celui-ci. Mais lorsque c'est une épreuve qui les touche, ils se retournent sur leur visage. Ils font volte-face. Alors là, celui qui fait cela, il perd sa dunya et son au-delà. Et ceci est la perte évidente. Ceci est la perte évidente. Et donc, on comprend clairement, mon cher frère, on doit avoir peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on ne doit pas changer en fonction des épreuves, en fonction de la difficulté. Allah, tabaraka wa ta'ala, qui nous dit dans son livre, « Minel mu'minina rijal » Il y a parmi les croyants, il y a des hommes. Ils ont été sincères. Sadaku ma ahadullah alayhi. Ils ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Il y a parmi eux ceux qui sont morts. Il y a parmi eux ceux qui attendent. Ils attendent la mort. Ils ne sont pas encore morts. Wa ma baddalu tabdila. Ils n'ont rien changé. Ils n'ont rien changé. Les épreuves sont venues. Ils n'ont pas changé. Leur pratique est restée pareille. Ils ne vont pas changer en fonction des épreuves, en fonction des gens, en fonction de la difficulté. Non, leur pratique, elle reste pareille. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont peur d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ils n'ont pas peur des hommes. Ensuite, l'auteur qui nous dit, « An Abi Sa'idin marfu'an, inna min da'fi al-yaqini » أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهة كاره. Et donc selon Abi Sa'id رضي الله عنه qu'il attribue au prophète صلى الله عليه وسلم qui dit: certes, il fait partie de la faiblesse dans la certitude. Et donc la foi, la certitude. Le fait que tu fasses en sorte que les gens soient satisfaits par les causes qui entraînent la colère d'Allah. Et donc, tu fais en sorte que les gens soient satisfaits de toi en accomplissant des causes qui entraînent la colère d'Allah. Ou alors que tu loues les gens, tu vas les louer pour quelque chose que Allah t'a accordé comme subsistance. Ou alors que tu vas blâmer les gens à cause du fait que Allah ne t'a pas accordé quelque chose comme subsistance. Certes, la subsistance d'Allah n'est pas entraînée par la dévotion de qui que ce soit, et la subsistance d'Allah ne peut être repoussée par le fait que qui que ce soit déteste cela. La subsistance d'Allah, elle dépend d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui accorde sa subsistance à qui il veut parmi ses serviteurs. Ce hadith, barakallahu fikoum, il est faible. Il est même très faible. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a jugé d'ailleurs que ce hadith est inventé. On parle des hadiths inventés lorsqu'il y a par exemple des menteurs dans la chaîne de transmission. Ici, dans ce hadith, dans la chaîne de transmission, il y a Khalid Al-Umari. Khalid Al-Umari, donc c'est Khalid ibn Yazid Al-Umari, et cet homme, Yahya ibn Ma'in, ainsi que Abu Hatim, ils ont dit que c'est un menteur. Il y a aussi donc dans la chaîne de transmission de ce hadith, ou bien dans d'autres chaînes de transmission de ce même hadith, donc As-Suddi, et donc un homme dont son nom c'est Mohammed ibn Marwan, et lui aussi c'est un kazzab, un menteur. Et donc à partir de là, la chaîne de transmission elle est très très faible. C'est quoi un kazzab chez les gens du hadith? Ça c'est important de savoir aussi. Dans la science du hadith, on a le terme qui va être utilisé, kadhdhab, menteur, grand menteur. Et le terme qui va être utilisé, muttaham bil kadhib. Donc, soupçonné de mensonge. Muttaham bil kadhib, soupçonné de mensonge. Dès que deux personnes sont comme ça, une personne est comme ça ou comme ça dans la chaîne de transmission, on n'accepte pas. Le hadith, il est très faible. Même certains savants ne le classent même pas dans la. On ne dit même pas que c'est un hadith. Certains ne le mettent même pas dans la classification des hadiths faibles, tellement il est faible. C'est quoi un grand menteur? C'est une personne qui a déjà été surprise à mentir sur Allah. Celui qui va mentir sur Allah, sur son messager, les savants du hadith, ils vont dire kazzab. Menteur. Ces hadiths ne sont plus acceptés. Celui qu'on va appeler muttaham bil kadhib, soupçonné de mensonge, c'est celui qu'on a déjà on l'a surpris en train de mentir dans des sujets mondains. Il n'a pas menti sur Allah ou son messager, mais il a menti concernant des sujets mondains. Son hadith n'est plus accepté. Pourquoi? Ils vont dire donc, s'il est capable de mentir sur les gens, qu'est-ce qui l'empêche de mentir sur Allah? Et donc à partir de là, c'est ce qu'on appelle soupçonner, on le soupçonne de mentir. Ce qui est voulu par là, on le soupçonne de mentir sur Allah et son messager. Et donc ce hadith-là qu'on vient de voir, il est faible, même si le sens est correct. C'est pour ça que certains savants, ils ont abordé le sujet. Pourquoi l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a cité ce hadith très faible dans son livre? Ils disent parce que soit il ne savait pas qu'il était faible, soit il savait qu'il était faible, mais le sens est correct. Et donc il l'a cité quand même, parce qu'il y a d'autres textes, justement, qui montrent ce qui a été cité dans celui-ci. Ensuite, le hadith de Aïcha radiallahu anha. An Aïcha radiallahu anha, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam akol. Man il tamasa ridallahi bi sakhatin nas. Radiallahu anhu wa arda anhu nas. Wa man il tamasa ridan nas bi sakhatillah. Sakhitallahu alayhi wa askhata alayhi nas. Rawahu ibn Hibban fi sahihihi. Et donc un autre hadith, le hadith de Aïcha, celui-ci il est authentique, inshallah ta'ala. Aïcha radiallahu anha qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quiconque recherche la satisfaction d'Allah, même en accomplissant des causes qui entraînent la colère des gens. Alors Allah tabaraka wa ta'ala sera satisfait de lui et fera que les gens seront satisfaits de lui. Par contre, celui qui recherche la satisfaction des gens en accomplissant les causes qui entraînent la colère d'Allah, alors Allah sera en colère donc contre cette personne et va faire en sorte que les gens seront en colère donc par rapport à cette même personne. Rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih. Et donc on comprend clairement ici, les frères, barakallahu fikoum, le fait qu'il ne faut pas chercher la satisfaction des gens en accomplissant des causes qui entraînent la colère d'Allah. Combien de fois on a vu dans l'histoire de la communauté musulmane ceux qui ont recherché la satisfaction d'Allah en faisant ce qui entraîne la colère des hommes? Exemple, dans la communauté musulmane, parmi ceux qui ont été gravement éprouvés, lourdement éprouvés, l'imam Ahmed rahimahullah, emprisonné, fouetté, évanoui, tabassé, parce qu'il ne voulait pas dire que le livre d'Allah a été créé. Il voulait rester ferme sur la vérité, le Coran et la parole d'Allah. Il n'a pas été créé. Et donc, il a souffert. Les hommes l'ont fait souffrir. Mais il n'a pas voulu faire plaisir aux hommes. Il n'a pas voulu, donc, accorder la satisfaction aux hommes ou faire les causes qui entraînent la satisfaction des hommes en accomplissant ce qui entraîne la colère d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qui s'est passé? L'imam Ahmed, rahimahullah, a eu la victoire. Au final, l'imam Ahmed rahimahullah a eu la victoire face à cette secte. Et aujourd'hui, ce sont ses écrits, l'imam Ahmed rahimahullah, qui sont propagés. Combien d'années après la mort de l'imam Ahmed, les gens lisent encore les livres de l'imam Ahmed? Où sont les livres de ceux qui étaient face à lui? Où sont les écrits de ceux qui s'opposaient à lui? On n'entend pas parler d'eux. On n'entend pas parler d'eux. Aujourd'hui, lorsque les gens parlent de l'imam Ahmed, ils disent rahimahullah. Ils invoquent pour lui. Qu'est-ce qu'on dit de ceux qui se sont opposés à l'imam Ahmed et qui l'ont fait souffrir? On n'entend même pas leur nom. Même chose pour l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. 8 fois en prison. 8 fois emprisonné. Parce qu'il reste sur la vérité ferme. Il n'a pas changé pour faire plaisir aux gens. Il n'a pas eu peur des hommes, mais est resté sur la vérité. Au final, ce sont les livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui sont propagés dans la communauté musulmane et que les gens étudient. Et jusqu'à aujourd'hui, quand le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, l'imam Ibn Taymiyyah a dit rahimahullah, Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que les gens soient satisfaits de lui et que les gens l'aiment parce qu'il a recherché les causes de la satisfaction de son Seigneur. Il n'a pas recherché les causes de la satisfaction des hommes. Et ceci est la voie des imams, ceci est la voie des prophètes avant eux. Et donc il est important, barakallahu fikum, qu'on comprenne bien ce principe, le fait de ne pas rechercher la satisfaction des créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en accomplissant ce qui entraîne la colère d'Allah. On va continuer la semaine prochaine, inshallah ta'ala. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.